Deuxième partie, chapitre 1er. Les nouveaux époux passèrent leur lune de miel à la ferme de Rambercourt. À côté des bâtiments d'exploitation, la frogne père avait fait bâtir un pavillon qui servait de pied-à-terre à la famille pendant la saison des fruits et où la jeune mariée s'installa du mieux qu'elle put. Cette prime aube du mariage parut délicieuse à Germain. Ce robuste chasseur, dont l'appétit était loin d'être blasé, savourait avec des émerveillements infinis la volupté de posséder à lui seul une femme jeune, élégante et mignonne. Il goûtait aux joies du mariage avec les ravissements d'un pauvre diable qui a longtemps vécu de fruits sauvages ramassés au bord des routes et à qui l'on sert pour la première fois de belles pêches veloutées, délicates et fondantes. On était à l'époque de la fenaison et l'odeur amoureuse des foins coupés qui s'exhalait matin et soir autour de la ferme contribuait encore à enivrer Germain. Il adorait Laurence. Et celle-ci, qui n'était point femme à moitié, profitait de cette griserie des commencements pour établir peu à peu sa domination sur le cœur et l'esprit de son mari. Le premier usage qu'elle fit de son pouvoir fut de mettre les ouvriers dans la maison de la rue du Bourg et d'en bouleverser radicalement la disposition intérieure. Hyacinthe hasarda bien quelques timides objections, mais de même que Germain, il fut vaincu par les mignardes façons et les cajoleries de sa belle-sœur. L'antique logis des Lafrogne fut gratté, rechampi, parqueté et décoré à neuf pendant l'été et l'automne qui suivirent le mariage. On ne garda guère de l'ancien ameublement que les verdures de Flandre qui garnissaient le salon et la chambre berthe. Hyacinthe en soupira tout bas. La vieille Catherinette cria au sacrilège. Mais le rajeunissement de la maison des deux Barbeaux n'en continua pas moins. Chaque après-midi, Laurence venait de Rambercourt afin de suivre les progrès de la métamorphose. Elle faisait le trajet dans un joli panier, traîné par deux petits chevaux corses, dont Germain avait fait remplette quelques semaines après la noce et que la jeune femme conduisait elle-même. Quand le panier traversait au grand trot la rue des Clouères et la rue du Bourg, les gens se mettaient aux fenêtres pour voir passer la jeune Madame Lafrogne, les cheveux légèrement ébouriffés, la tête coiffée d'un feutre gris dont le voile volait au vent, et tenant les rênes blanches dans sa main gantée de peau de daim. « Elle va bien, la petite femme, » disait-on. Elle fait danser lestement les écus des Lafrogne. Ah, si la pauvre tante Lénette voyait ça! Mais la tante Lénette dormait dans un endroit où les oreilles n'entendent point, où les yeux ne voient plus, et sans respect pour sa mémoire, les réparations allaient leur train. Quand les menuisiers et les peintres eurent fini leur besogne, on s'occupa de l'ameublement. Il y eut des portières à toutes les portes et des tapis jusque dans l'escalier. Madame Lafrogne dénicha la ville haute, un meuble de tapisserie au petit point dont elle orna le salon. On fit venir de Paris le lustre hollandais, les lampes japonaises et les faïences des jardinières. On tendit un boudoir de satin ponceau afin de mieux ressortir la peau blanche et les cheveux noirs de Laurence. Germain eut un fumoir tapissé de nattes indiennes, garni de divans orientaux, où il n'osait ni cracher ni fumer. Pas une encoignure qui ne fût embellie par des fleurs naturelles, pas un pan de mur où l'œil ne fût amusé par quelques bibelots précieux. Torchères en fer forgé, cuivre tout flamboyant d'éclairs, faïence aux colorations tapageuses. On ne parlait plus d'Enviotte que des merveilles de la maison des deux Barbeaux. Chacun en tint prétexte pour pénétrer dans cet intérieur et constater les coûteux embellissements dus aux caprices de Madame Lafrogne. Alors c'étaient des coups d'œil obliques échangés entre voisins, des hochements de tête et des sourires sarcastiques commentant des réflexions un peu bienveillantes. « Cela coûtera gros, » disaient les visiteurs. « Les deux Barbeaux n'ont qu'à préparer leur bourse. » On fait des folies à tout âge. Que voulez-vous, cette Parisienne leur a tourné la tête, murmurait Delphine Ivard en s'apitoyant hypocritement sur le sort de ses deux camarades, tandis qu'en dedans, une joie maligne illuminait ses petits yeux verts clignotants sous leurs paupières sans cils. On adjoignit une femme de chambre à la vieille Catherinette, et Hyacinthe eut lui-même sa part de confortable. Il quitta les deux pièces qu'il occupait au-dessus des bureaux, et on l'installa, bon gré mal gré, dans la chambre verte, meublé à neuf. Mais si Laurence avait réussi à métamorphoser radicalement l'intérieur de la maison, elle ne put rien changer aux habitudes et au goût des deux frères. Quand à l'arrière-saison, les travaux furent terminés et qu'on revint s'établir rue du Bourg, les deux Barbeaux reprirent imperturbablement leur train de vie coutumier. Hyacinthe continua de passer ses journées à tenir les écritures et ses soirées à lire des tragédies. Germain se remit à partager son temps entre son commerce de droguerie et les émotions de la chasse. On ne le vit plus guère qu'à l'heure du souper. Il arrivait affamé, recru de fatigue, mangeait comme un ogre et se couchait à 9 heures. Peu Peu à peu, la maison redevint ce qu'elle avait été autrefois, silencieuse, solitaire, fermée aux visiteurs. Une froide et lourde somnolence semblait tomber du haut du toit sur les pièces somptueuses et muettes. Germain s'était nettement refusé à faire des visites de noces. Le monde l'effrayait, et à part Delphin Ivar, qui venait de temps à autre se chauffer au coin du feu d'Hyacinthe, aucun étranger n'était reçu chez les Lafrogne. Madame de Coulaine, pour laquelle Viotte avait toujours été un exil, n'y avait pas fait long feu après le mariage de sa fille. Dès qu'elle avait vu Laurence bien établie, elle s'était sentie en regain de jeunesse, et comme ses 3 000 francs de rente lui suffisaient maintenant, elle s'était empressée de retourner à Paris pour y reprendre ses habitudes et ses relations d'autrefois. À l'entrée de l'hiver, Laurence demeura seule dans sa grande maison luxueusement meublée. Quand elle eut visité de la cave au grenier ce logis dont elle était la souveraine, quand elle se fut mirée dans toutes les glaces et assise dans tous les fauteuils capitonnés, elle commença de trouver son existence dorée un peu bien monotone. Un ennui gris, subtil et pénétrant comme un brouillard d'octobre, filtra autour d'elle à travers les portières laineuses et les rideaux soyeux de sa chambre. Il l'enveloppa tout entière pendant les longues heures inoccupées du jour et les heures encore plus interminables encore de la veillée. Elle comprit alors la cruelle vérité de cette rude chanson populaire lorraine qu'elle avait entendue chanter aux vendangeurs de Rambercourt. Au diable la richesse, quand le plaisir n'y est point. Un jour, quand je serai morte, je n'emporterai rien du tout, qu'une vieille chemise et un drap par-dessus. Voilà la belle morte, on n'y pensera plus. À quoi lui servait d'avoir d'élégantes toilettes qu'elle ne pouvait montrer? À Viotte, on ne se promène pas. Les dames de la bourgeoisie n'ont d'autre distraction que d'aller au marché ou à l'église. Or, Laurence laissait la corvée du marché à Catherinette. Quant à l'église, comme elle était d'une piété fort tiède, elle se bornait à y paraître le dimanche à la petite messe de 11 heures. Elle sortait donc très peu et s'ennuyait mortellement. Même quand les deux barbeaux étaient au logis, la société de ses deux compagnons à l'esprit peu ouvert et peu expansif n'avait rien de récréant. Leurs goûts casaniers, leurs idées vieillottes, leurs causeries, roulant sur des choses de l'ancien temps ou des souvenirs de Mademoiselle Lénette, la laissaient indifférente et taciturne. Parfois il semblait à Laurence que son cerveau se rétrécissait, que sa jeunesse s'en allait, au contact de ces deux hommes plus vieux que leur âge, et elle se regardait avec effroi dans une glace, croyant déjà percevoir une ride sur son front ou un fil blanc parmi ses cheveux noirs. Elle avait des langueurs indéfinissables, terminées par des crises de larmes, dont elle était elle-même honteuse et qu'elle dissimulait de son mieux. Les deux frères, peu expérimentés en ce qui touchait aux choses féminines, ne savaient rien faire pour remédier à ces accès de mélancolie. Germain, qui avait contenté toutes les fantaisies de sa femme, était persuadé qu'il avait rempli, et au-delà, l'engagement qu'il avait pris de la rendre heureuse. Elle avait de jolies toilettes, un nid douillet. Que pouvait-elle désirer davantage et pourquoi ne s'y serait-elle pas trouvée à l'aise? Du reste, pour le quart d'heure, les deux barbeaux étaient absorbés par une occupation qui ne leur permettait guère de s'apercevoir des tristesses vagues de la jeune femme. Ils réglaient les mémoires des menuisiers, des peintres et des tapissiers qui avaient contribué à l'embellissement de leur maison. Ils constataient avec effroi que le total de la dépense avait dépassé de beaucoup leurs prévisions. Ayant gardé les principes de stricte économie inculqués par la tante Lénette, ils ne laissaient pas de faire la grimace à l'aspect de ces formidables additions. Hyacinthe, surtout, poussait de nombreux soupirs et gémissait de ce que les nouveaux aménagements avaient laissé inoccupées les deux pièces situées au-dessus des bureaux. « On aurait pu en tirer parti, » murmurait-il à Delphin Ivar, « c'est de l'argent qui dort. » Un matin, le chef de bureau vint trouver les deux frères et leur demanda si, sérieusement, ils ne songeaient pas à utiliser cet appartement devenu vacant. « Les deux pièces, leur dit-il, ont un escalier indépendant et une sortie sur la rue de la municipalité. Cela ne vous gênerait en rien, et vous avez assez de vieux meubles pour les garnir convenablement. Si vous vous décidiez à les louer, j'aurai votre affaire. Un garçon bien rangé, bien élevé, tranquille, qui ferait honneur à ses propriétaires. Il cherche un appartement meublé. Il serait heureux de loger dans une maison comme la vôtre. » Le locataire proposé par Nivard était un jeune avocat, attaché au parquet de Viotte et répondant au nom de Xavier Duprat. Germain ne dit pas non. Hyacinthe alla au renseignement et en rapporta de parfait. M. Duprat était un jeune homme distingué, ayant des goûts sérieux, de bons principes, une conduite exemplaire. Il était membre de la Société de Saint-François de Régis et offrait toutes les garanties désirables. L'affaire se conclut donc par l'entremise de Nivard, et il fut convenu que le nouveau locataire entrerait en jouissance le 1er avril. Ce jour-là, dans l'après-midi, Laurent s'occupait à renouveler les fleurs du petit salon qui lui servait de boudoir. Germain était allé assister à une pêche aux étangs de Belleval. Hyacinthe était sortie pour affaires, quand Catherinette annonça que le locataire demandait à parler à madame. Sur un signe de la jeune femme, la domestique introduisit M. Xavier Duprat. D'après ce qu'elle avait entendu dire à son mari et à son beau-frère, Laurent s'était dessiné en idée un portrait assez ridicule de ce magistrat en herbe. Ce locataire, patronné par Nivard et accueilli avec enthousiasme par les deux barbeaux, devait être quelque provincial à tournure de séminariste, gauche et engoncé dans de maussades vêtements noirs. Elle fut plus qu'agréablement surprise à l'aspect du visiteur qui s'avançait en la saluant. C'était un grand et beau garçon de 25 ans. Un léger pardessus marron, au revers de soie largement étalé sur une poitrine bombée, laissait voir une taille souple et bien prise dans la redingote noire étroitement boutonnée. Un pantalon d'un joli gris complétait cette toilette à la fois élégante et simple. Le visiteur était ganté et chaussé avec un soin scrupuleux. Son linge était fin et d'une blancheur irréprochable. Il n'avait pas encore fait aux exigences du parquet le sacrifice d'une soyeuse barbe châtain clair. Très soignée et frisant naturellement, cette barbe encadrait à merveille le visage au teint chaud, un peu bistré, éclairé par deux yeux bruns, veloutés et caressants comme des yeux de femme. « Madame, commença-t-il, je n'ai pas voulu m'installer dans votre maison sans vous présenter mes hommages et vous dire combien je suis heureux d'avoir été accueilli à titre de locataire par M. Lafrogne. » Sa voix était chaude et caressante comme son regard. Peut-être même eût-on désiré moins de douceur mielleuse dans l'accent. Mais cet organe était si mélodieux qu'il charmait tout d'abord, et Laurent subit d'autant mieux cette séduction que son esprit prévenu y était moins préparé. Elle se sentit honteuse des imaginations qu'elle s'était mises en tête, et de son ton le plus aimable, elle demanda au jeune homme s'il avait déjà pris possession de son appartement. « Pas encore, répondit-il, j'ai laissé mes bagages au pied de l'escalier. »« Asseyez-vous, monsieur, reprit Laurence, je vais recommander qu'on monte tout cela chez vous et qu'on vous prévienne lorsque les choses seront en ordre. » Elle sortit un moment, tandis que le nouveau locataire jetait un coup d'œil curieux sur l'arrangement du petit salon où il se trouvait. Tout y sentait la femme jeune, raffinée et coquette, depuis les violettes trempant dans de frêles cornets de verre de Venise jusqu'aux écheveaux de soie aux couleurs gaies qui s'étalaient sur une mignonne table à ouvrage. Les fauteuils bas et moelleux, les chauffeuses en velours de Gênes, de grands écrans japonais, tout avait un précieux parfum de richesse élégante et cossue. « J'ai stylé Catherinette, » dit Laurence en rentrant, « et tout sera bientôt prêt, monsieur. » Ils restèrent un moment assis sans parler, chacun d'eux se recueillant pour assembler ses impressions, tandis que les violettes emplissaient l'atmosphère tiède d'une suave odeur de renouveau. Laurent semblait un peu intimidé par ce tête-à-tête inattendu. Xavier Duprat, au contraire, était fort calme et regardait, non sans plaisir, à travers ses cils demi-fermés, le joli visage et la fraîche toilette de la femme de son propriétaire. Celle-ci, embarrassée de cet examen, rougissait et agitait nerveusement son petit pied. À la fin, rompant la première le silence. « Vous habitez Villotte depuis peu, monsieur ?» demanda-t-elle. Il répondit qu'il arrivait de Paris, où il avait passé son doctorat et où il était resté 6 ans. « Vous avez vécu à Paris ? » s'écria-t-elle vivement. « Moi, j'y suis né. Quel quartier habitiez-vous ? » Il nomma une rue voisine du Luxembourg. « Ah ! » fit-elle avec un gros soupir, et fermant ses beaux yeux, la tête un peu renversée en arrière. Pendant une minute, elle revit le jardin tel qu'il l'avait connu par les après-midi de printemps. La terrasse des marronniers, avec la musique militaire rangée en cercle et jouant une valse. Les étudiants aux airs crânes, aux façons bruyantes, se promenant par bandes entre les chaises alignées. La jeune verdure des talus, la blancheur mate des statues se détachant sur les massifs de lilas. L'eau argentée du bassin frissonnant au grand soleil. Et çà et là, le mélodieux bruit d'ailes des ramiers quittant les marronniers en fleurs, pour s'aller poser sur le bras d'un mercure ou l'épaule d'une diane. Elle eut comme une hallucination de ce coin de Paris. Elle en voyait tous les détails, elle entendait les voix joyeuses des enfants, les fanfares des cuivres, et croyait même respirer par bouffées l'odeur bien connue des gaufres toutes chaudes se mêlant aux senteurs végétales des parterres. Elle secoua la tête, rouvrit les yeux, et vit que le jeune homme la contemplait avec une discrète admiration. « Pardon, » balbutia-t-elle, « je pensais au Luxembourg. Je m'y suis tant promené autrefois. Comment avez-vous pu quitter Paris, monsieur, pour venir vous enterrer à Villotte? Vous devez bien vous ennuyer dans cette bicoque de petite ville. » Il fit un mouvement en arrière comme un homme légèrement choqué, et prenant une attitude à la fois solennelle et pensive, une de ses poses dédaigneuses, affectionnée par les jeunes doctrinaires de sa conférence, il répondit avec un ton mélancoliquement sentencieux qu'un acteur lui eût envié. « Madame, je travaille beaucoup et je n'ai pas le temps de m'ennuyer. D'ailleurs, je suis habitué à la solitude et elle ne m'effraie plus. « Vous êtes bien heureux, monsieur, » s'écria-t-elle avec une vivacité amusante. « Moi, je ne m'y suis pas faite. Je ne m'habituerai jamais à une ville où n'a pas un spectacle à voir, pas un livre intéressant à lire. « C'est peu dire que je m'y ennuie, » reprit-elle avec véhémence, « je m'y assomme. » Il ouvrit tout grand ses yeux scandalisés. « J'ai dans ma bibliothèque, » dit-il, d'un air d'aimable compassion, « quelques-unes des œuvres de nos auteurs contemporains. M'autorisez-vous, madame, à les mettre à votre disposition ?» Elle accepta immédiatement. Il commençait à le remercier quand Catherinette vint annoncer que l'appartement était prêt. Xavier Duprat s'inclina profondément et ils se séparèrent. Mais tout en se rendant chez lui, le futur magistrat souriait dans sa barbe et je ne sais quelle fatuité intime lui disait qu'il avait marqué sérieusement son passage dans le boudoir fleuri et capitonné de Madame Lafrogne. En effet, il y avait semé des germes de sensations nouvelles, dont la floraison rapide devait donner un parfum plus troublant et avoir une existence plus durable que les violettes et les jacinthes des jardinières. Après son départ, Laurence demeura longtemps rêveuse. Il lui semblait que le soleil était plus doré et que les fleurs répandaient une plus pénétrante odeur de printemps. Le soir, au souper, elle conta la visite de M. Duprat et fit l'éloge du jeune homme. Hyacinthe abonda naïvement dans son sens. Quant à Germain, il avait à peine entrevu son locataire. Il n'en parut pas moins enchanté d'apprendre qu'il agréa à sa femme et à son frère, et promit même de lui rendre sa visite dans la huitaine. Ce qui était certain, c'est que l'installation de M. Duprat dans la maison de la rue du Bourg avait donné à la vie de Laurence un intérêt tout nouveau. La présence de ce beau garçon, à la fois homme sérieux et homme du monde, semblait avoir rajeuni et réveillé la somnolente demeure. Les journées commencèrent à paraître moins longues à Madame Lafrogne, et le soir elle s'endormait avec moins de peine, en songeant que le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrirait sa fenêtre, elle apercevrait Xavier à la sienne. Les croisées du petit salon donnant sur la cour faisaient face à celles du cabinet de travail de M. Duprat. Le matin, en arrosant ses fleurs, Laurence jetait à la dérobée un coup d'œil chez son vis-à-vis. Elle entrevoyait le profil perdu du jeune homme courbé sur sa table de travail. Parfois elle se levait, venait s'appuyer d'un air méditatif à la barre de la croisée et tout à coup, s'apercevant de la présence de Madame Lafrogne à la fenêtre d'en face, il saluait cérémonieusement et se retirait en hâte, comme s'il eût craint d'être accusé d'indiscrétion.